Tu es sûre que j'ai bien fait pour la couleur ? S'inquiéta Pascal en négociant un virage. Certaine, répliqua Aurore d'un ton péremptoire. Ce rouge est fabuleux sur toi. Et arrête de t'inquiéter. De toute façon, la partie est gagnée d'avance, non ? Elle rentrait à Pérol après avoir écumé toutes les boutiques chics du vieil Albi. Sur les conseils enthousiastes d'Aurore, Pascal avait fini par craquer pour un ensemble jupe et Spencer qu'elle comptait porter le soir même. Laurent Villeneuve, carrément. Je te jure que j'ai du mal à y croire. Si jamais quelqu'un de l'hôpital vous aperçoit ensemble, le potin se répandra comme une traînée de poudre. On dîne chez lui. Chez lui ? Surécria Aurore. Il sait cuisiner en plus. Aucune idée, mais pour les commérages, il a dû penser comme toi. Alors qu'elles étaient à environ 1 kilomètre de Pérol, Pascal aperçut une vieille dame, juste au bord de la route, occupée à enlever les feuilles mortes devant son portail. Sa brouette était au beau milieu de la chaussée, le manche d'un râteau dépassant dangereusement. Pascal ralentit, hésita, puis se rangea sur le bas-côté. « Les gens âgés, je te jure, » soupira Aurore. Pourtant, tout comme Pascal, elle pouvait faire preuve d'une patience d'ange avec les malades à longueur de journée. Elles descendirent ensemble, aussi souriantes l'une que l'autre. « Vous allez vous faire accrocher par une voiture !» dit gentiment Pascal en saluant la vieille dame. « Besoin d'un coup de main ?» Tandis qu'Aurore ramenait la brouette vers le portail, Pascal se présenta. « Nous sommes quasiment voisines, j'habite. Je sais où vous habitez, docteur Fontanelle. C'est drôle de vous appeler comme ça. Pour tout le monde par ici, c'était votre père, le docteur Fontanelle. Mais la médecine doit être un truc de famille chez vous. Pensez donc, votre grand-père soignait déjà ma grand-mère. » Dans son visage ravagé par les rides, le regard encore très bleu de la vieille dame semblait rire. « Je m'appelle Léonie Bertin et je suis ravie de vous serrer la main. Ravie aussi qu'il y ait du monde à Pérol, parce que le coin est plutôt isolé. Est-ce que vous vous y plaisez ?»« Beaucoup. C'est la maison de mon enfance. Oui, mais... » Léonie s'interrompit pour dévisager Pascal attentivement. Puis, avec un geste fataliste, elle enchaîna. « Je ne pensais pas que vous y reviendriez jamais. Je m'attendais que ce soit vendu. Pourquoi ? Oh, vous êtes trop jeune. » Du coin de l'œil, elle surveillait Aurore, qui s'était mise à entasser les feuilles dans la brouette. « C'est bien gentil de m'aider !» lui lança-t-elle. « Trop jeune pourquoi ?» insista Pascal. « Pour avoir de mauvais souvenirs. Moi, j'ai connu la première Madame Fontanelle, une belle femme un peu hautaine, qui ne méritait pas une mort aussi horrible. Cet incendie, quelle tragédie. Tout de suite après, il y a eu votre maman, et de vous à moi, vous lui ressemblez drôlement. Sauf qu'elle avait toujours l'air si triste. Je sais bien qu'on ne se remet jamais du deuil d'un enfant, surtout un petit. » Léonie secoua la tête, tout en mettant ses mains au creux de ses reins, qui devaient la faire souffrir. Pascal se taisait, médusé. Quel deuil ! S'il s'agissait de Julia, et qui d'autre, elle était bien vivante. Par ailleurs, Léonie Bertin avait eu un mot malheureux, tout de suite après, comme si son père s'était dépêché de se remarier, à peine sa première femme enterrée. « Et votre frère ? Je m'en souviens comme d'un très beau jeune homme. Il va bien, il est médecin aussi. « Voilà, je vous ai rentré la brouette et j'ai rangé le râteau sous l'auvent, » déclara Aurore. « Il fait très froid, vous allez attraper un rhume si vous restez dehors. » La nuit tombait déjà et la température baissait encore. Léonie resserra autour d'elle son gros châle au ton fané. « Merci, jeune femme. Vous êtes bien aimables toutes les deux. Passez donc me voir à l'occasion. Je prépare toujours des gâteaux à la violette et des galettes de Mia au moment de Noël. Nous viendrons, c'est promis, » affirma Pascal en s'efforçant de sourire. Cette vieille dame avait sûrement des tas de choses à lui apprendre et elle comptait bien la faire parler. Elles remontèrent en voiture et parcoururent les dernières centaines de mètres jusqu'à la grille de Pérol. La maison de Léonie Bertin était la dernière, un peu isolée après la sortie du village, et se trouvait donc la plus proche de Pérol. « Elle est gentille, cette mamie. Elle t'a raconté des choses intéressantes ?»« Si on veut. Chaque fois qu'il est question de ma famille, je tombe des nues. » Cette constatation la ramena à son obsession. Julia. Tout ce mystère dont elle voulait trouver la clé, avant d'avoir enfin l'inévitable explication avec son père. D'abord rencontrer Julia et apprendre d'elle la vérité. À peine rentrée, elle monta dans sa salle de bain où elle brancha le radiateur électrique avant d'ouvrir les robinets de la baignoire. La perspective du dîner chez Laurent lui donnait soudain envie d'être belle et elle prit le temps de se faire un shampoing, puis un brushing. Une fois ses cheveux brillants comme de la soie, elle se maquilla légèrement, mit deux gouttes d'extrait de parfum sur sa nuque et s'habilla. La jupe et le spencer rouge soulignaient parfaitement sa silhouette longiligne. Elle opta pour des escarpins noirs, assortis au manteau de cachemire à col officier que son père lui avait offert l'année précédente. Lorsqu'elle descendit l'escalier, Aurore la héla depuis le hall. « Tu es sublime ! Notre bon directeur va en rester baba !»« Tu ne devais pas sortir aussi ?» s'étonna Pascal. Aurore était toujours en jean et en col roulé, des tennis aux pieds. « Georges a la crève. Il n'est pas certain de vouloir quitter sa couette. Je crois que je vais me faire un plateau télé et me coucher tôt. Je te souhaite la plus fantastique soirée de la décennie. Au moins, et sois prudente sur la route. » Les trajets quotidiens agaçaient Pascal, mais ce soir elle se sentait légère, gaie, prête à passer un moment agréable en compagnie d'un homme qui lui plaisait beaucoup. Elle prit l'autoroute jusqu'à Toulouse, puis gagna le centre-ville et laissa sa voiture au parking de la place Saint-Étienne. Le quartier était fait de rues étroites et paisibles, semées d'hôtels particuliers. Rue Nino, elle s'arrêta devant une porte cochère si imposante qu'elle vérifia l'adresse avant de sonner. Deux minutes plus tard, Laurent vint lui ouvrir une petite porte latérale et la fit entrer dans une cour pavée au fond de laquelle se dressait une belle maison de briques et de pierres. Sans doute l'une de ces demeures construites par les Capitouls à la Renaissance. « Le ministère de la Santé vous loge bien ?» plaisanta-t-elle en pénétrant dans un vaste hall orné d'un dallage à cabochons. « À vrai dire, c'est une maison de famille. Mes grands-parents étaient toulousains. » Il la précéda jusqu'à un petit salon où une flambée brûlait dans une cheminée de bois sombre. Deux gros canapés de velours bleu se faisaient face et il l'invita à y prendre place après l'avoir aidé à enlever son manteau. « Le problème dans mon métier, ce sont ces nominations qui vous expédient d'un bout de la France à l'autre. Lorsqu'on m'a offert d'administrer le CHU de Purpan, j'ai été ravie de ce retour aux sources, mais je ne sais pas combien de temps il durera. Êtes-vous obligé d'accepter ce qu'on vous propose ? Il s'agit toujours d'une promotion, et en principe, ça ne se refuse pas. Enfin, tout dépend de la manière dont on envisage sa carrière. » Souriant, détendu, il portait un pantalon noir et une chemise blanche à col ouvert. Sur la table basse, il avait déposé une bouteille de champagne dans un seau plein de glace pilée, des coupelles d'olive au piment, des dés de saumon marinés à la nette, deux verres en cristal de bohème. « Je suis très heureux de vous recevoir, et pas uniquement pour vous rendre votre invitation à Pérol, » dit-il en débouchant le champagne. Une manière directe de lui signifier ses intentions. Elle prit le temps de l'observer quelques instants, le trouvant toujours aussi séduisant. Puis elle leva son verre. « À cette soirée, alors ?» La chaleur du feu de bois rendait l'atmosphère du petit salon particulièrement agréable. Pascal se laissa aller contre le dossier moelleux du canapé et sirota deux gorgées. Elle avait beau avoir confiance en elle, le tête-à-tête avec Laurent l'intimidait un peu. Quand un homme et une femme se plaisent et le savent, les premiers mots sont les plus délicats à trouver. « Je vous ai fait une poularde à la toulousaine, » annonça-t-il. « Vous-même ?»« Bien sûr !» Sinon, où serait le plaisir? Je ne me mets pas souvent au fourneau, mais je tiens cette recette de ma grand-mère et c'est une merveille. Du moins, je l'espère. Racontez-moi ça. Eh bien, il faut juste du foie gras, des truffes, des champignons et des riz de veau pour préparer la garniture. Pascal éclata de rire, amusé par la tournure que prenait leur conversation. En guise de romantisme, Laurent choisissait la gastronomie, une approche moins conventionnelle que prévu. Puis-je vous poser une question indiscrète? Demanda-t-elle. Allez-y. Qu'est-ce qu'un homme comme vous fait tout seul dans la vie? Un homme comme moi? C'est quoi? La situation, l'hôtel particulier? Plutôt la gentillesse, le charme, corrigea-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Le compliment parut le mettre mal à l'aise. Néanmoins, il s'efforça de sourire. Merci pour le charme. En tout cas, la gentillesse ne m'a pas précisément aidée avec les femmes jusqu'ici. J'ai du mal tombé et ça me rend assez méfiant. Des chagrins d'amour? Disons deux grosses désillusions. Il se leva pour aller remettre une bûche dans la cheminée et resta un moment de dos, occupé à tisonner les braises. Quand il se retourna, son regard bleu acier transperça Pascal. Et vous? Samuel vous a raconté notre divorce, je suppose. Oui, en gros, mais il est toujours très tendu lorsqu'il parle de vous. Je ne crois pas qu'il se soit consolé. En conséquence, je ne lui ai pas caché cette invitation à dîner. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. « Vous aviez peur qu'il le prenne mal ?» s'étonna Pascal. « Il l'a mal pris. » L'idée que Sam soit encore amoureux d'elle l'attendrissait tout en l'exaspérant, et elle refusa d'y penser. Aujourd'hui, il avait Marianne, leur chemin s'était séparé. « Venez avec moi, dit doucement Laurent. À regret, elle quitta le canapé pour le suivre dans les profondeurs de la maison. Ils traversèrent un autre salon, moins intime, puis longèrent un couloir sombre avant de déboucher dans une vaste cuisine séparée de la salle à manger par un grand comptoir de drapier. « Pour l'instant, c'est la seule pièce que j'ai eu les moyens d'arranger à mon goût. Est-ce qu'elle vous plaît ?» Le mobilier en pin ciré était chaleureux et se mariait bien avec la peinture jaune pâle des murs. Mais l'ensemble avait quelque chose de trop dépouillé, trop neuf. « Elle me plaît beaucoup, sauf qu'elle manque un peu de désordre, quand je pense à la cuisine de Pérole. » Et à la joyeuse pagaille qui régnait en permanence. Avec Aurore, elle se tenait là durant toute leur soirée de filles, ayant déserté le jardin d'hiver, plus difficile à chauffer depuis la mi-novembre. Pendant que l'une essayait une nouvelle recette, l'autre faisait ses comptes bancaires sur la vieille table. Les nombreux placards métalliques, démodés mais indestructibles, étaient bourrés d'une vaisselle dépareillée, descendue peu à peu du grenier, et toutes sortes de robots ménagers s'étalaient sur les grands plans de travail de chêne, marqués de mille et un coups de couteau. Sur les appuis des fenêtres traînaient en permanence des magazines, des livres de poche, des trousseaux de clés. « Vous avez la maison dont tout le monde rêve. Elle est magique, » déclara très sérieusement Laurent. « Je la trouve parfois un peu inquiétante. J'ai toujours cru que nous y avions été très heureux, mais il semble que ma mère ne l'ait pas été. Tous les gens qui l'ont connue à cette époque me parlent de son air triste, et je suis sûre que les lieux sont empreints de souvenirs. Ils renvoient de bonnes ou de mauvaises ondes. S'il y a eu un drame quelque part, on peut presque toujours le sentir. La mémoire des murs ? Peut-être. » La première femme de mon père a brûlé vive dans une des dépendances, que mon père a fait raser par la suite. Laurent se tourna vers elle, le couvercle d'une marmite à la main, et la scruta deux ou trois secondes. « Si vous vous mettez des idées pareilles en tête, vous finirez par ne plus vous plaire à Pérole et ce serait dommage. Tenez, ici il a dû se passer des tas de choses depuis la Renaissance, des morts violentes, de grands chagrins, des duels, que sais-je. Eh bien, les pierres ne me parlent pas, elles me laissent dormir en paix. » Une délicieuse odeur était en train de se répandre dans la cuisine. Pascal s'approcha des fourneaux pour jeter un coup d'œil à la poularde qui mijotait doucement. Sur une desserte, un saladier était rempli de roquettes parsemées de cerneaux de noix et de brins de ciboulette. Laurent semblait s'être donné beaucoup de mal pour tout préparer lui-même. Avait-il le désir de lui plaire ou voulait-il seulement échapper au commérage en restant chez lui? Cherchant un ustensile dans un tiroir, il recula d'un pas et heurta Pascal. « Oh, je suis désolé. » Il l'avait machinalement saisie par le bras, comme pour la retenir. Mais au lieu de la lâcher, il l'attira à lui. Pascal. Les bras de Laurent se refermèrent autour d'elle. Puis elle sentit qu'il caressait ses cheveux, la faisant tressaillir. L'étreinte ne dura que deux ou trois secondes avant qu'il s'écarte d'elle. « Vous êtes tellement jolie, » dit-il avec un sourire d'excuse. Un peu déçue, et agacée de l'être, elle se dirigea vers la table où le couvert était dressé. Là aussi, il avait tout prévu. Un bouquet de fleurs champêtres épanouies dans un vase, plusieurs sortes de pains présentés dans une corbeille en argent, des sets et des serviettes en lin couleur cassis. Il la rejoignit, déposa le plat fumant près de leurs assiettes. « Que voulez-vous boire ? Un vin de Loire un peu frais ? Sinon, j'ai un excellent Bourgogne, ou alors nous pouvons dîner au champagne. » « Oui, je préférerais ne pas mélanger. » Elle aurait près de 80 km à faire pour rentrer à Pérole et ne tenait pas à conduire en état d'ivresse. « Si c'est le retour qui vous inquiète, je peux vous héberger ou vous ramener chez vous. »« C'est gentil à vous, mais je ne suis pas spécialement gentil, Pascal. Je suis en train d'essayer de vous plaire, vous le savez très bien. » Sa franchise avait de quoi déconcerter Pascal. Aussi, il s'empressa d'ajouter. « Cette première soirée est importante pour moi. J'aimerais que tout soit parfait. »« Eh bien, celle-là, » répondit-elle en souriant. Pourtant, il existe deux problèmes, et de taille. Le premier est que j'ai pour règle absolue de ne pas mélanger mon travail et ma vie privée. Or, vous êtes un médecin de pur pan, et à ce titre, je n'aurais pas dû vous inviter. Le second est que je suis incapable de draguer. Je ne connais même pas le mode d'emploi. C'est vous dire si notre dîner me cause du souci. Cette fois, elle éclata de rire. Elle trouvait Laurent amusant, attendrissant, et toujours aussi séduisant. Deux minutes plus tôt, dans ses bras, elle avait eu envie de rester contre lui, envie qu'il l'embrasse et la touche. « Parlez-moi un peu de vous, » suggéra-t-elle en lui tendant son assiette. Il choisit avec soin un morceau de poularde dans la marmite, puis le nappa de sauce. Parcours très classique, HEC et Sciences Po, J'ai accumulé les diplômes avant de me lancer dans la fonction administrative. J'aime organiser, gérer, avoir des responsabilités. Mais je ne voulais pas commencer au bas de l'échelle. Mes grands-parents étaient des bourgeois et mes parents se croyaient révolutionnaires parce qu'ils avaient fait 68. En ce qui concerne ma vie privée, j'ai eu une histoire merveilleuse avec une jeune fille rencontrée lors de ma première année d'études qui m'a quittée sans la moindre explication au bout de 5 ans pour suivre un Australien. Ensuite, j'ai attendu d'avoir la trentaine pour croire de nouveau à l'amour. Malheureusement, je suis tombée sur une garce, le genre louve déguisé en Agniel, qui m'a coûté très cher et m'a trompée avec presque tous mes copains. J'ai rompu il y a 18 mois. Il s'assit en face d'elle, lui servit un peu de champagne et lui souhaita bon appétit. « Votre manière de résumer les choses semble un peu détachée, » fit-elle remarquer. « Pourquoi voudriez-vous que je m'apitoie sur ma propre bêtise ? Je suis bien trop orgueilleux pour ça. » Pascal goûta une bouchée, immédiatement séduite par la finesse des arômes. « C'est un délice. Vous me donnerez la recette ? Non, je ne crois pas. Secret de famille ? Pas du tout. Mais il y a plus intéressant à se dire que la manière d'accommoder la poularde. Je vous ai raconté ma vie, c'est votre tour. » « Non, je ne crois pas, » répliqua-t-elle en reprenant délibérément sa phrase. « À mon avis, vous devez tout savoir par Sam. Je me trompe ?» Beau joueur, il acquiesça d'un signe de tête, un peu gêné qu'elle ait deviné. Pourtant, il avait avoué lui-même que Sam parlait beaucoup d'elle. Durant quelques minutes, ils se contentèrent de manger. Et Pascal accepta volontiers d'être resservi parce qu'elle se régalait. « C'est un plaisir de vous avoir comme convive, » remarqua-t-il. « D'habitude, les femmes chipotent, ce qui n'a pas l'air d'être votre genre. Mais vous n'appartenez à aucun genre précis, vous êtes hors norme. » Cette constatation parut le réjouir, car il lui adressa un sourire éblouissant. « La dernière fois que nous nous sommes vus dans mon bureau, vous m'avez dit que vous préféreriez travailler à Albi, c'est vrai ?»« Oui. Si surprenant que ce soit, j'aurais aimé trouver un poste à l'hôpital ou à la clinique Claude Bernard. À cause des trajets ?»« D'abord, oui. » Parce que la route multiplie les risques et me fait perdre un temps fou, mais pas uniquement. Albi, c'est la ville de mon enfance, celle où je suis allée à l'école, celle où mon père et mon grand-père ont exercé la médecine avant moi. Si j'y travaillais, j'aurais l'impression d'être rentrée chez moi, d'être à ma place. Et sans doute serais-je plus à l'aise dans une structure moins lourde et moins rigide. De toute façon, Albi est le second pôle hospitalier de la région, donc doté de moyens techniques conséquents. Vous êtes très convaincante. Pourquoi ne posez-vous pas votre candidature là-bas ? Je l'ai fait. Il n'y avait aucun poste vacant. Oh, vous voulez dire que le CHU de Purpan n'est pour vous qu'un pis-aller ? Ironisa-t-il. Jamais je ne dirais ça à mon directeur, riposta-t-elle sur le même ton. Pourtant vous devriez, car s'il y a bien quelqu'un qui peut vous obtenir ce que vous désirez. Il était redevenu sérieux, et Pascal l'observa attentivement. Vous feriez ça ? D'autant plus volontiers que dans ce cas, l'un de mes problèmes disparaît. À savoir, si vous ne faites plus partie du personnel du CHU que je dirige, j'aurai le droit de vous faire ouvertement la cour. Après un instant de stupeur, Pascal se mit à rire. L'idée que Laurent pouvait intervenir pour elle ne l'avait pas effleurée jusque-là. De toute façon, elle ne lui aurait pas demandé. « J'aimerais vraiment, » dit-elle en pesant ses mots. Sa réponse sous-entendait qu'elle n'était pas non plus indifférente aux avances de Laurent, et elle se tortilla sur sa chaise, soudain embarrassée. Il en profita pour se lever, changea les assiettes et déposa devant elle un gâteau au chocolat. Durant l'heure qui suivit, ils parlèrent de tout et de rien, comme s'ils avaient besoin de reprendre un peu de distance. Laurent restait un hôte attentif. Il prépara du café qu'il servit avec des violettes en sucre. Un peu avant minuit, quand Pascal décida qu'elle devait rentrer à Pérols, il enfila un blouson pour la raccompagner jusqu'à sa voiture. Surpris par le froid polaire qui régnait dehors, ils se dépêchèrent de gagner le parking de la place Saint-Étienne, où Laurent insista pour descendre avec elle. Il attendit qu'elle soit installée au volant et baissait sa vitre pour se pencher vers elle. « Est-ce qu'on se reverra ? » demanda-t-il seulement. Son visage était tout près de celui de Pascal. Avec une lenteur calculée, il s'approcha encore, l'embrassa au coin des lèvres. D'un geste impulsif, Pascal le prit par le cou pour le retenir et ils échangèrent un vrai baiser. Puis sans ajouter un mot, elle mit le contact et démarra.